Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, chapitre 15, de la mort de Monseigneur Jean, leur premier protecteur, et comment ils prirent Monseigneur Hugolin, évêque d'Ostie, pour patron et protecteur de l'ordre. Le vénérable cardinal dont il a été parlé, Monseigneur Jean de Saint-Paul, accordait ses conseils et son appui au bienheureux François, et vantait fréquemment sa vie et ses œuvres, ainsi que celles de ses frères, aux autres cardinaux, et ceux-ci étaient pénétrés d'une si vive affection pour l'homme de Dieu et ses frères, que chacun désirait s'occuper d'eux dans la curie, non pour quelque service qu'il en pourrait attendre, mais à cause de leur sainteté et de la ferveur qui régnait parmi eux. Lorsque Monseigneur Jean de Saint-Paul mourut, le Seigneur inspira à l'un des cardinaux, nommé Hugolin, alors évêque d'Ostie, de prendre sous sa protection le bienheureux François et ses frères, de les aimer et de les soutenir. Il leur témoigna vraiment une tendresse aussi vive que s'il eût été leur père à tous, et même son affection spirituelle se répandit sur eux plus abondamment que l'affection charnelle d'un père ne se porte sur ses enfants selon la chair. Heureux de les avoir pris sous sa garde, il leur dit « Je m'offre à vous pour vous donner aide, conseil et protection. » Le bienheureux François, rendant grâce à Dieu, répondit au cardinal « J'accepte avec joie, Seigneur, de vous tenir pour père et protecteur de notre ordre, et je veux que tous les frères vous recommandent sans cesse à Dieu dans leurs prières. » Ensuite il le pria de daigner assister au chapitre qui devait se réunir à la Pentecôte. Le cardinal y consentit, et dès lors il ne manqua pas d'assister tous les ans à ce chapitre. Quand il y arrivait, tous les frères réunis pour le chapitre allaient processionnellement au-devant de lui. Au moment où il les rencontrait, il descendait de cheval et se rendait à pied avec eux à l'église Sainte-Marie. Là, il leur faisait un sermon et disait une messe, pour laquelle François, l'homme de Dieu, chantait l'évangile. Markham Dan, archive.org d'après la numérisation de l'Université de Toronto. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial partage à l'identique.